t'es mise de tout et prise de nous. Arrivée jusqu'au bout, j'espère pour nous qu'elle en vaut le coup. Je t'en prie, ôte-moi d'un doute si tu l'aimes.